Bienvenue, My Sound Podcast. C'est avec grand plaisir que je publie mon premier podcast, qui serait une émission de court histoire. La première édition sera une courte histoire que j'ai écrite et j'aurai le plaisir de la partager avec vous. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire courte qui illustre et mémorise la vie quotidienne d'un enfant paysan, sa passion de l'aventure et la reconnaissance de la vie. L'enfant et la canne. En la voyant, elle réveille en lui le sens du sérieux et de l'humour. Il les voit avec le pouvoir et l'aide. Il pense à ce qu'il va faire ou il va innover. Sa subtilité et ses astuces. Il l'utilisait par dispositif comme un moyen d'être puissant et un ajout à son être et corps. Elle suscite son obsession d'imagination fantastique. Il la donne tout son intérêt et il la traite de manière clef. Moyen et but avec laquelle elle révèle ses tendances et ses idées. Tantôt il la jette comme un pieu et tantôt elle frappe avec comme une épée ou il creuse. Il imite la démarche de son grand-père avec son biki en marchant vite avec son agilité, en se demandant pourquoi doit-il compter sur sa canne, et moi je ne vois aucune raison pour l'être. Mais lorsqu'il prenait un terrain difficile ou grimpait une colline, il comprit la raison et la cause. Subséquemment, il sent une compassion envers lui. Il continue sa balade, mené de son énergie et sa volonté. De manière résolue en disant « Je resterai viablement fort, quoi qu'il soit. » Il accroît l'activité et augmente son niveau de résistance vers son limite, en insistant de ne pas s'en servir. Il joue et tâtonne avec, la renvoie en l'air et l'attend revenir à sa main, tout en prudence de son mal. Mais quand même, il prend des petits coups de blessure. Même avec sa dureté, il apprécie sa distraire et son compagnie. Il agit comme il veut, se poindre à l'horizon. Jusqu'à qu'il trouve une étange, il s'arrête un moment pour dessiner et griffonner dans l'eau et le boue. Il s'assoit et regarde la nature, et il écoute les oiseaux en essayant de les répondre avec sa bouche sifflante. Puis il reprend sa canne en la fouillant pour trouver un trou pour siffler là-dedans. Comme un flûte. Quand il ne le retrouve pas, il essayait de construire un autre voie lui-même. Le voilà continuant de siffler, les oiseaux s'en vont, il continuait de siffler, espérant son retour. Le temps passe, assis à côté d'un arbre, tapant et cliquant sur ses troncs, jusqu'à que le faim lui tende la ventre. Il rattrape sa canne, qui a désormais une valeur pour lui. Il la met entre ses épaules en imitant son père quand il porte sa purge, revenant à la maison fier et heureux de son sacré nouveau objet qui lui appartient maintenant. En entrant, il salue sa famille comme d'habitude. Sa mère lui demandait de la jeter. Il insiste de la garder. Son père l'enlève à lui et il commence à gémisser et pleurer de manière tragique. Son grand-père intervient et le lui rend. Il l'accompagnait à côté de leur ferme et lui faire comprendre que ses parents ont peur qu'elle lui fait du mal et qu'elle a des côtés négatifs qu'il ne connaît pas et lui donnant espoir qu'elle va la trouver toujours quand il la cherche. Enfin l'enfant s'assure grâce à ses paroles et il l'épine dans la terre et revenait avec son grand-père en jetant un dernier coup d'œil. 2 jours passent, il accompagne quelques amis voisins à l'endroit où il l'a laissé. Il la retrouve et se sent la joie. Il se défoule et joue tous avec, jusqu'à ce qu'il répond à l'appel de sa mère. Il revient avec sa canne, après qu'il a hésité de la jeter ailleurs. Sa mère rigole en lui disant, « Est-ce que tu n'as pas l'intention de te séparer de cette canne ? Donne-la-moi, je vais te la garder dans un endroit, jusqu'à qu'on finisse notre repas. » Il accepte vite et va à la table. Au moment quand il finit, il part la chercher autour de la maison et ne la retrouve plus et demande à sa mère où il l'a mis sympathiquement. Elle fait semblant de la chercher sérieusement, sans résultat. Il commence à pleurer en hurlant. Avec quoi je jouerai maintenant? Elle lui donne d'autres jouets. Tiens, tu as plein de jouets. Il refuse. Il ne voit que sa canne en disant, c'est ma meilleure jouet. Et il insiste qu'elle la cachait dans une part. Le père les entendait. Il vient lui demander de se calmer en lui disant, viens, je vais te donner ta canne. Il arrachait une chaume et lui la donne. Mais il tient toujours à sa canne. Il lui montre quelques manœuvres. L'enfant la prend et commence à l'examiner. Il repère les différences en lui disant timidement, ce n'est pas comme ma canne. Il lui répond, ils n'ont pas les mêmes apparences, mais ils ont le même objectif et ils font les mêmes tâches. L'enfant se sent rassuré et oublie. Il rejoue et innove, avec un enthousiasme initial qui diminuait, jusqu'à coucher de soleil. Sa mère lui appelle pour rentrer. Il lui promet de la garder et ne plus la perdre une fois. Au matin, il réveille, en pleine énergie, prend vite son petit déjeuner et part avec sa canne à nouveau alentour jouer. Après un moment, sa mère vient vers lui, portant sa première canne en souriant. La voilà, je l'ai trouvée pour toi. Il devient joyeux et actif et il la remercie. Partant s'amuser, il se profile et compare entre les deux. Il tape l'un à l'autre jusqu'à le moment de l'arrivée de son grand-père du marché. Il le voit et court vite vers lui, embrassant sa main en acclamant « Je l'ai trouvé ma canne ». Le grand-père rigole en lui répondant « Ha ha, la canne est son copain, que Dieu te bénéficie. Entrons maintenant, j'ai quelque chose pour toi. » Il pose ses courses et sort deux jeux d'éventail en papier. « Tiens, voilà de quoi tu vas coller tes cannes. Tu as une forte raison pour les garder maintenant. » L'enfant se réjouit et part tester son nouvel jouet, explore comment elle tourne et innove des nouvelles manœuvres. Tout le monde rigole et se détend, et la journée finit en paix. J'espère que vous êtes amusé à entendre cette histoire courte, et j'espère vous retrouver à la prochaine.